Racine musicale, tous les dimanches 17h30 avec DJ Bigou et Selecta Jalapaman. Seulement 89.1, bien entendu, bien entendu. Les jeudis 9h, ne manquez pas le 8e continent. Une émission sur le thème de l'environnement animée par Eugénie Aymon. Énergie verte, agriculture urbaine, activisme environnemental et chlorophylle sont à l'honneur avec en vedette des organismes qui font avancer les choses dans la région de Québec. Le 8e continent, les jeudis 9h à CKRL. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Avant de débuter l'émission, j'ai entre les mains 4 beaux billets pour le concert de Fred Frith de Gravity Band. C'est au FIMAV, donc au Festival de musique actuelle de Victoriaville. C'est ce soir à 22h, donc c'est vraiment pour les gens très motivés. Vous avez encore le temps de vous rendre si vous venez chercher les billets tout de suite à la station. Vous pouvez m'appeler au 418-640-1586 pour réserver les billets ou passer simplement à la station. Donc, 4 beaux billets d'une valeur de 38 $ chacun. Ça serait dommage de perdre ça. Victo, ça se fait très bien, une petite heure et demie et vous êtes rendu. Donc, ben, c'est ça pour nous, pour l'émission Web Musique. Donc, on va débuter avec Muta. C'est sa pièce Movie Hour. C'est sur la compilation King Deluxe Presents Year 2. Ça va être suivi par À la claire ensemble avec la pièce Wow, c'est sur leur album Un Piu Piu parmi tant d'autres. Et enfin, troisième pièce du bloc, c'est Raphaël Aragon avec Kumbaya Piu Piu. On est un peu dans le Piu Piu donc. C'est donc ces trois pièces-là qui débutent l'émission, puis je vous reviens tout de suite. Pour les billets, appelez-moi 418-640-1586. Thank you. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. Je voudrais prendre deux secondes pour saluer la gang de Saint-Tite. Donc, les auditeurs qui viennent de m'appeler sont dans une grange sur une montagne à Saint-Tite-des-Caps. Donc, c'est ça. Considérez-vous salués, puis bon party à vous. Donc, on entendait une pièce de Raphaël Aragon, c'était la pièce Kumbaya Piu Piu. Avant ça, c'était précédé par À la claire ensemble et la pièce Wow, tirée de leur album Un Piu Piu parmi tant d'autres. Et on avait, oui, quand même un peu de piou-piou en début d'émission. C'était Muta avec la pièce Movie Hour. C'était tiré de la compilation King Deluxe Presents Year 2. Donc, nous, on poursuit avec Guillaume. Je vais entendre la pièce Tortoise Shell Avenue. C'est tiré de son album Tons of Sky. Ça va être suivi par les très étranges Kurt Lasers, la pièce Sexy Garrot. Donc, c'est sur l'étiquette Mutant Swing. Et enfin, pour compléter ce bloc, on va entendre Mr. 93. C'est sa pièce One Soul Hungry for a Whisper. C'est tiré de son album Hypnotic Boom Bap. I'm rock'n'roll, sexy carotte, striptease danseuse. C'était Mr. 93 à Web Music avec sa pièce One Soul Hungry for a Whisper, tirée de son album Hypnotic Boom Bap. C'était précédé par les Kurt Lasers avec la pièce Six Cigarettes, donc sur l'étiquette ça, Mutant Swings. Et enfin, on avait débuté le bloc avec Guillaume, la pièce Tortoise Shell Avenue, tirée de l'album Tons of Sky. On fait une courte pause, puis Web Music vous revient tout de suite après. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibel. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 26 mai à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte les Bleus. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Vendredi 23 mai 20h, le Théâtre Petit Champlain propose Sarah Toussaint Léveillé et Catherine Durand en plateau double. Mais moi, je m'en fous de toi et de tout tes tralala, s'il y a bien une seule et unique chose. Sarah Toussaint Léveillé est une auteure, compositrice, interprète qu'on dit hippie folk, garçonne bohème, confortable, un brin hipster. Chaque spectacle est différent, selon le pouls du moment. Un cinquième album en poche, Catherine Durand présente son spectacle en duo, inspiré des sonorités des murs blancs du Nord. Catherine a choisi de revisiter ses nouvelles chansons, de les adapter pour une rencontre avec son public en toute intimité. Une pluie de silence, la ville en suspens. Billets disponibles à la billetterie du Théâtre Petit Champlain au 418-692-2631 ou sur le réseau Billettech. Hacking de vélo, comédie musicale russe, show de boucan, épidémie de rire, marché du zombie, le steak de Falardo. Voyez ces activités et bien d'autres lors de la Manif d'art 7 du 3 mai au 1er juin. Ça commence à l'espace 400e Belle dans le Vieux-Port. Embarque dans la Manif d'art. En partenariat avec la CSN, avec la collaboration de Radio-Canada Québec et du RTC. De retour à Web Music, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Il nous reste seulement une petite demi-heure de musique. Je vous rappelle que si les pièces vous intéressent, vous avez juste à vous rendre au www.webmusic.ca. Vous allez retrouver la playlist de l'émission. Vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces de façon gratuite et légale. On poursuit, nous, avec Casco, la pièce Spiders, tirée de leur album Pyro Pispa, Pista. Ensuite de ça, ça va être Bored Lord, que j'adore, avec la pièce Ceremonially, un peu de joke assez intéressant. Et enfin, on va entendre un peu de free jazz avec Limbo, c'est la pièce Skunda, c'est tiré de leur album Limbo. Donc on écoute ces trois pièces-là, puis je vous reviens tout de suite après. There's a spider on your roof, a spying on you. A little spider on the roof, so in love with you. Always climbing up your walls and waiting for you to get back from work, to get home at night. Don't you see, don't you get it, I'm in love with you. There's don't a spider don't web you get it? Right above your bed. There's a spider web right above your bed. But you never look out, so you never can see all the love that's hanging there. Could be anything. If I could be. If I could be anything, I would be a spider living on your roof. I would be a spider just to spy on you. If I could be anything, I would be a spider watching you asleep. Spider, so in love with you. If I could be anything, I'd be the song to I could be anything, I would be a spider living on your roof. I would be a spider, just a spider. Songs you like to sing when you're alone. I'd be the clothes you like to wear when you're alone. I'd be those things you always think when you find yourself alone. I'd be the one who knows you. C'était la pièce Scronda, donc, de Limbo, tirée de leur album éponyme. Avant ça, on entendait Bored Lord avec la pièce Ceremonially. Et enfin, on avait débuté le bloc avec Casco, la pièce Spiders. Pour poursuivre Web Music, on va se diriger donc du côté de l'étiquette française Vatican Records. C'est leur compilation Vatican Sampler Number 29. C'est le groupe ou l'artiste plutôt s'appelle It's a Tesseract. Je vous fais entendre la pièce Juggle Some Lighters. Ça va être suivi par 96 World avec la pièce Slave tirée de son album Private Language. Et enfin, on va entendre Fields of Ohio avec la pièce Youngstown Speakeasy Akron Blues tirée de leur album éponyme. Thank you. C'était Fields of Ohio à Web Musique. C'était la pièce Youngstown Speakeasy Akron Blues, tiré de leur album éponyme. Avant ça, c'était 96 World avec la pièce Slave, tirée de l'album Private Language. Et enfin, on avait débuté ce bloc avec It's a Tesseract, la pièce Juggle Some Lighters, tirée de la compilation Vatican Sampler No. 29. Ça va déjà être tout pour WebMusic. Je vous rappelle de visiter le www.webmusic.ca. Vous allez avoir donc la playlist et vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces. On va se quitter sur une dernière pièce. Restez à l'écoute. Tout de suite après, c'est la croche-oreille qui prend l'antenne de CKRL. Donc, restez à l'écoute. Nous, on se quitte sur une pièce de Noiser. C'est la pièce Departure 2258. C'est tiré de leur album 71, Trip in Six Dimensional Space-Time. Donc, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour notre émission de WebMusic.